Ras de marée, t'en as dans plein panne. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Ras de marée, t'en as dans plein panne. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Yeah! Que des porcs, des cadavres, les mecs les plus hardcore sont dans le décor. Que des porcs, que des porcs, que des porcs. Assurance vie, y'a plus rien. Que des porcs, des cadavres, les mecs les plus hardcore sont dans le décor. Que des porcs, que des porcs, hey. Que des porcs. T'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Ras de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. R.O.S. West, plus le temps de se marrer. Arrive comme le tsunami, K.O. si tu joues les tarés. Comme ninja dans la nuit, t'as dit que le duo est paré. Plastique lyrical, la bombe est amorcée, êtes-vous paré? Préparé, car Black Drapeau a déjà démarré. Préparé, boué, R.O.S. West sont déjà arrivés. Clic-clac, sur le clic-clac, avec la clic. Ça claque, t'entends des clic-clac, faut pas que tu fais black. L'Elysée braque chic, attends t'apparaît en état de choc. Faut qu'on croque, pardonnez-nous, du lourd faut qu'on croque. Ça saute comme des sauterelles, la politique en dentelle. J'arrive comme une tornade avec R.O.S. mortel. Fontaine la mi-femme à faire parce que c'est bientôt la fin. On a faim, révolution, on arrivera à nos fins. Trop défunt, faut se la jouer fine pour glisser comme un dauphin. Trop défunt, faut se la jouer fine pour glisser comme un dauphin. L-E-T-R-A-L-G. Bougez. Avant qu'on fasse tout exploser. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. L-E-T-R-A-L-G. Bougez. Avant qu'on fasse tout exploser. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. Pas de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Pas de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Mais c'est la fin des PD qui s'emballent à chaque coin de rue, fils de pute. À celui qui dit qu'il s'en bat les couilles, de peur faire éventrer. On va pas s'alarmer, t'alarmer. Seuls les porcs rentrent au sol sur le ventre, comme à l'armée. Toujours debout, même à main nue. Parce que derrière moi, y'a que des hommes, des cogneurs, ouais. Prêts à cogner dans ma troupe. Heroes, ouais, chic, chic, mon chic. Y'a pas de PD, pas de feeling. Style ink, on tape dans stealing. Parce qu'on a du style, ouais. On a le style, vise le style. Et si ça part en freestyle, freestyle. Avant qu'on prépare tes funérailles, torsi, du mal jusqu'à l'art. Sur tout ce qui bouge, voix rouge, faut que ça défouraille. Voix rouge, je défouraille. Encore un porc qui rampe au sol sur le ventre, comme à l'armée. Allez vous faire niquer, vous êtes niqués. Vous savez plus où aller, non. Vous savez plus où aller. Pas de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Pas de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute. Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. L-E-T-R-A-L-G. Bougez. Avant qu'on fasse tout exploser. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. Car le système va chier à voir la nausée. Bougez. Main contre les mains, préparez-vous à bouger. R-O-S-S, West, préparez-vous à bouger. Bougez. Le mic contre les mains, préparez-vous à bouger. R.O.S. West, préparez-vous à bouger. Bougez. Le mic entre les mains, préparez-vous à bouger. R.O.S. West, préparez-vous à bouger. Bougez. Bougez. Parce qu'on marque tout. Bougez. Tout le ma gloire. Bougez. Toutes tes petites frappes. Putes. Bougez. R.O.S. West, prêt à bouger. Toutes les petites putes. Bougez. Tous les petites PD. Bougez. 7-7-200, prêt à bouger. 7-7-200, prêt à bouger. Bougez. Pas de marée, t'en as dans plein panneau. Fuck, fuck, l'Elysée saute, Paris saute. Dans tous les sens, ça saute comme des sauterelles. Pas de marée, t'en as dans plein panneau.